Kanyangi. Eric Ouimana sur la mise en onde. Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grands titres. Les Burundais emprisonnés pour crimes économiques sont aujourd'hui chiffrés à 287, révélation faite vendredi par le ministre de la Justice. En province Kayanza, seules 13 associations interviennent dans des mutualités de santé communautaires. Et en province Bubanza, on vous parlera des grognes des éleveurs fournisseurs de lait en commune Gihanga. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page justice pour débuter cette édition. Plus de 280 personnes sont aujourd'hui détenues pour cause d'atteinte à l'économie nationale, annonce faite vendredi par le ministre de la Justice, qui fait savoir que ce n'est pas ce nombre qui augmente le taux d'occupation des prisons. Lors d'une réunion avec les magistrats et procureurs de la mairie de Bujumbura et des provinces Bujumbura, Bubanza Chibitoke Mwaro et Muramvya, la ministre de Mines Banyankimbona a précisé que cette surpopulation carcérale est causée par l'action des procureurs suivis. Où la population carcérale est chez Kapuri, plus de 400%. Aujourd'hui, la population carcérale est de plus de 400%, c'est d'ailleurs 417%. Vous comprenez que c'est une situation grave. J'ai demandé, je me disais que ce taux a augmenté suite au procès de flagrance dû aux crimes économiques. On a alors fait des enquêtes. On a trouvé que seuls 287 sont poursuivis pour cette infraction. C'est donc dire que ce ne sont pas ces derniers qui engorgent les prisons. Nous ne pouvons pas affirmer que la poursuite des personnes accusées d'atteinte à l'économie nationale est à l'origine de la surpopulation carcérale. Peut-on alors croiser les bras? Cher procureur, nous nous sommes rencontrés plus de deux fois. Nous nous sommes déterminés à mettre en œuvre la volonté du président de désengorger les prisons. Les prisonniers n'ont pas de logement adéquat. Je me suis rendu à la prison centrale d'Omhimba. Je me suis demandé, est-ce sans logement pour des humains ou bien c'est tout simplement pour des animaux? La présomption d'innocence n'est plus respectée. C'est grave. Domine Banyankimbona, ministre de la Justice. Page environnement, les drones seront bientôt utilisés dans la protection de la réserve naturelle de Vianda et le paysage est protégé de Mukungu Lukambasi, menacé par la population. La connectivité de ces forêts abrite des chimpanzés sera également restauré. Ceci a été dit par le représentant légal de l'association Conservation et Communauté de Changement, Leonidas Nzigiyima, qui a remis le matériel à la direction générale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement en province de Makamba. Le point avec Zenon Zambimana. Ce projet concerne surtout la sécurisation des chimpanzés et des populations habitant autour de la réserve naturelle de Vianda et le paysage protégé de Mukungu Lukamba dans les provinces Burimakamba et Rumonge. La restauration de la connectivité de ces forêts abritant les chimpanzés qui sont aujourd'hui menacés et le bornage de toute la superficie occupée par ces forêts sont parmi les priorités dans ce projet, selon Nidas Nzigima, représentant légal de l'association Conservation et Communauté de Changement 3C en sigle. C'est un projet qui vise à restaurer la connexion entre la réserve naturelle de Vianda et le paysage protégé de Mukungu Lukambasi. Parce que cet écosystème constitue une seule forêt naturelle caractérisée par l'espèce Brachystegia. Donc, ce paysage est caractérisé par plusieurs menaces. Il y a les feux de brousse très récurrents dans la région. Il y a également la coupe abusive des arbres. Il y a les installations illégales des cultures. Il y a également le piégeage des animaux et même la chasse illégale. Leonidas Nzigima fait savoir que deux drones pour la collecte des informations et quatre GPS pour la collecte des données seront désormais utilisés pour protéger ces chimpanzés, espèce phare dans ces forêts. Le chimpanzé est très menacé. Il est plus que menacé au Burundi et plus particulièrement, cette espèce est plus que menacée et dans la partie sud du Burundi à cause de la destruction de son habitat, à cause de beaucoup de conflits entre les populations et cette espèce. Donc il y a urgence à sauver ce qui reste à sauver à travers la restauration de ses habitats. Son matériel a été remis au début de cette semaine à l'Office burundais pour la protection de l'environnement par l'association 3C. C'était à Nyanzarake dans la province de Makamba lors du lancement officiel de ce projet. Vous saurez que sur plus de 4600 hectares que compte la réserve naturelle d'Ovianda, plus de 1000 hectares sont aujourd'hui occupés illégalement par la population selon les données de l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isang. Parlons élevage à présent. Les éleveurs et les fournisseurs de lait de la commune Gihanga en province Bubanza qui ont vendu du lait à l'usine Natura à Bujumbura se lamentent qu'il y a à peu près 3 mois qu'ils ne sont pas payés et menacent de chercher un autre client s'ils ne sont pas rétablis dans leurs droits dans les plus brefs délais. Au sein de l'usine Natura, on tranquillise et l'on explique que ce retard de paiement est dû aux procédures bancaires qui ne sont pas encore finies, nous rapporte Spes Caritas Cabanian. Ces éleveurs, collecteurs et fournisseurs de lait dans l'usine de transformation Natura se lamentent et disent qu'ils n'ont pas été payés depuis le mois de septembre jusqu'aujourd'hui. Un fournisseur contacté nous a avoué qu'il réclame auprès de Natura un montant de plus de 20 millions de francs burundais et actuellement il est en conflit avec les éleveurs qui lui ont donné le lait. L'un des éleveurs nous a indiqué qu'il a actuellement des problèmes pour pouvoir entretenir le bétail, trouver le salaire et la ration alimentaire des ouvriers. Au niveau de l'usine Natura, on reconnaît la dette et on précise qu'elle n'est pas due à leur volonté. Chadri Habimana, directeur commercial, explique qu'il attend encore le montant provenant de la banque pour pouvoir payer ses fournisseurs de lait. Spécialitas Kavanyana Bubanza, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 18h07 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par cette page santé. 13 associations seulement interviennent en province de Kayanza dans la mutualité de la santé communautaire, selon Rosine Doussabi, responsable provinciale du secrétariat permanent de la Commission nationale de protection sociale. À l'occasion de l'ouverture de la semaine dédiée à la protection sociale, le 8 novembre, l'année en cours en province de Gitega, Edouard Nkurunziza, représentant de la plateforme des auteurs des mutuelles de santé du Burundi, a fait savoir que les associations de mutualité de santé communautaire ont fait entrer dans les caisses des formations sanitaires plus d'un milliard de francs burundais sur les 5 dernières années. Le point avec Patrick Zengiyumv. D'après Rosine Doussabe, responsable provinciale Kayanza du secrétariat permanent de la Commission nationale de la protection sociale, certaines de ces associations de la santé communautaire intervenant en province Kayanza sont surtout Femiskabou de Café Ukritel, Mounassa Tuitoua Larikane et une autre appuyée par l'institution de la microfinance et UCODE pour ne citer que celle-ci. Ces associations sont regroupées au sein de la plateforme des auteurs des mutuelles de santé du Burundi, PAMISA en sigle. En commune Kayanza, 389 ménages cotisent mensuellement dans ces associations. Les données chiffrées fournies par la responsable provinciale Kayanza du secrétariat exécutif et permanent de la Commission nationale de la protection sociale en commune Matongo, 216 ménages sont dans ces associations de santé communautaire, en commune Muhanga, 174 ménages, la commune Muruta, 39 ménages, la commune Kabaro, 311 ménages, la commune Gatala, 150 ménages, au moment où selon les mêmes données, on enregistre en commune Garombo, 170 ménages qui cotisent mensuellement dans des associations de la santé communautaire. Rosine Doussa avait trouvé pourtant que le taux de la population en province Kayanza qui est dans ce projet de la santé communautaire est encore faible. Elle indique que beaucoup des habitants de la province Kayanza utilisent la carte d'assistance médicale, bien que nombreux parmi eux ne soient pas dans la catégorie sociale des usagers de la CAM pour se faire soigner et demande à cet effet au gouvernement burundais de bien organiser l'assurance médicale de la population burundaise. Même son de cloche avec Edouard Nkurunziza, représentant de la plateforme des auteurs des mutuelles de santé du Burundi. Celui-ci indique que les associations de la santé communautaire regroupées au sein de la PAMUSAB ont fait entrer ces 5 dernières années, une somme de plus d'un milliard de nos francs dans les caisses districtières de soins avec lesquelles elle collabore. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganiro. De Kayanza au nord du Burundi, rendons-nous en province de Makamba. C'est au sud de la frontière burundo-tanzanienne. Les commerçants faisant des navettes interpays ont des difficultés de change, ce qui perturbe leurs activités. Le point avec Élisée Quizera pour plus de détails. Avec la mesure de l'État burundais interdisant le change de monnaie sur le marché parallèle, la population de la frontière entre le Burundi et la Tanzanie dit éprouver des difficultés de changer le franc burundais en shilling tanzanien et vice-versa. Il se manifeste un mouvement considérable de Burundais qui se rendent souvent à son pays voisin, tantôt en quête d'emploi, tantôt dans différentes activités liées au commerce, ainsi que les Burundais et les Tanzaniens qui échangent des marchandises comme les bananes, les vaches et autres. Certaines populations de Makamba qui exercent souvent différentes activités en Tanzanie indiquent être contraintes de rentrer avec des vivres achetés dans ce pays, de crainte d'être attrapés sur le sol burundais, en possession des shillings tanzaniens et reprochés de change illégal. À Mugina, sur la colline Ruvuga, dans la commune Mabanda, certains témoignent qu'il y a ceux qui en profitent pour pratiquer un change clandestin en Tanzanie. Ainsi, 48 000 shillings tanzaniens s'échangent contre 100 000 francs burundais. Cette population demande au gouvernement de trouver une issue favorable à ce défi. Le gouverneur de la province Makamba, Tantine Nchutina Magara, indique que la question est à renvoyer à l'échelon supérieur et appelle la population d'éviter toute violation de la réglementation en cette matière. Depuis Makamba, Elise Kwizera, Radio Isanganiro. Page sportive de cette édition, la journée internationale du sport d'art martial de Wushu qui a été célébrée ce samedi a été initiée suite au développement de ce sport dans le monde entier, ce qui a provoqué à la crise, ce qui a fait qu'il y ait création de la Fédération internationale de Wushu. Yves Nirenganya, président de la Fédération burundaise de Wushu, fait savoir que ce sport se trouve à un niveau satisfaisant au Burundi du fait que plus de 20 clubs sont déjà créés. Il demande le soutien du gouvernement lors de différentes compétitions internationales prévues l'année prochaine en Afrique du Sud, en Chine et en Australie. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Gendakouman. Cette journée a été initiée pour célébrer la journée internationale de Wushu. Ici, en fait, le Wushu n'est pas encore comme d'autres fédérations. Nous sommes juste au début de développement de ce sport au Burundi. Mais quand je vois comment se développe, les Burundais aiment vraiment ce sport de façon qu'il y a une très grande allure de pratique de Wushu. Si vous voyez, même à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de gens qui pratiquent ce sport. À Bujumbura, même à l'intérieur du pays, nous voulons détecter des talents, des enfants ou bien des jeunes qui peuvent présenter le pays à l'international. Et quel état de lieu de ce sport ici au Burundi? Je dirais que en fait, il y a beaucoup de clubs qui se créent. Il y a des gens qui évoluent dans ce sport. Il y a des anciens qui créent différents clubs dans tout le pays. Pour le moment, vous avez combien d'équipes qui pratiquent ce sport? Je dirais une vingtaine de clubs qui se trouvent déjà au Burundi. C'est une bonne évolution. Il y a des gens qui sont à un bas niveau. Il y a aussi des avancés. En fait, ces gens-là qui n'ont pas même besoin d'aller faire des formations ailleurs, mais qui ont besoin de faire des compétitions ailleurs. Et nous avons fait beaucoup de formations à l'international, en Chine et aussi en Zambie, à d'autres pays, pour évoluer ce sport. Alors nous avons des experts qui vont nous aider à faire la promotion de cet art. Dans le but de promouvoir ce sport de Shaolin ici au Burundi, qu'est-ce que vous demanderez en tant que président de la fédération? Je demanderai au gouvernement de nous aider à nous faciliter des voyages qui nous attendent en 2024, parce qu'il y aura beaucoup des invitations. Nous voulons que le gouvernement nous facilite à avoir tout ce qu'on en aura besoin pour représenter le pays. Et aussi nous soutenir financièrement. Parce que en fait, c'est dur lorsqu'on est à l'étranger. Il y a beaucoup de besoins. Alors nous attendons à beaucoup d'invitations comme en Afrique du Sud, en Australie aussi, en Chine. Même dans la région, il y aura beaucoup de compétitions en 2024. Et l'équipe nationale de football Inhamba Murugamba a joué ce dimanche à 15h le second match contre la sélection gabonaise dans les matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le match s'est soldé par 2-1 en faveur du Gabon. Ces éliminatoires se tiendront dans 3 pays, à savoir le Mexique, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Ce match a été livré à Dar es Salaam, dans la ville de Dar es Salaam en Tanzanie, du fait que le Burundi n'a pas de stade moderne homologué par la FIFA pour abriter les compétitions internationales. lors du premier match qui a été joué jeudi de la semaine que nous clôturons. Le Burundi a battu la Gambie sur un score de 3 buts à 2 au moment où le Gabon a battu le Kenya 2 buts à 0. Voilà, à 18h15 dans les studios de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Eric Kouimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne soirée chez vous. Au revoir.